Aujourd'hui, c'est une émission particulière, une émission hommage à Brigitte Boudon, décédée le 27 décembre 2023. Toutes nos pensées affectueuses vont à Philippe Guiton et à ses proches. La science CQFD, Natacha Triou. Il est l'un des pionniers de la pensée scientifique et pourtant il reste largement méconnu. Connaissez-vous Anaximandre de Milet, non ? On vous fait les présentations. Ce savant et philosophe grec du 6e siècle avant notre ère, dans la cité de Milet, est considéré comme un géant de la pensée. Géographe, biologiste, astronome, est l'un des premiers naturalistes. Il a bousculé l'histoire des sciences et a trouvé des façons nouvelles de penser le monde et le cosmos. Parmi ses idées les plus frappantes, il y a cette découverte. La Terre est un grand caillou qui flotte dans un espace vide. 26 siècles plus tard, ce n'est pas le pré-socratique le plus célèbre, mais peut-être le plus inspirant. Anaximandre, le savant-gardiste. Brigitte Boudon, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante en philosophie, cofondatrice des éditions Ancrage et des Jeudis Philo à Marseille. Et vous avez écrit en 2017 notamment La puissance des philosophes antiques. Et avec nous, Carlo Rovelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien, professeur à l'université d'Aix-Marseille et l'auteur de l'ouvrage La naissance de la pensée scientifique, Anaximandre de Milet, réédité en 2023 chez Duno. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous qui êtes à l'écoute, en direct derrière votre poste ou à toute heure. Sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter. On vous poste chaque jour des ressources complémentaires. C'est tout de suite à Science CQFD. Alors comment Anaximandre a contribué à l'évolution des sciences? Quelle est la portée et l'héritage de ses contributions? Comment nous a-t-il appris à changer de point de vue sur le monde? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Si Anaximandre est peu connu, on connaît très bien son maître, dont le théorème est enseigné à l'école. Il s'agit de Thalès. C'est notre archi du jour. Thalès, effectivement, a commencé à spéculer sur la nature de l'univers, sur la façon dont fonctionnaient les mouvements des astres. Et pour ce qui est de la Terre, et il en avait une conception que l'on peut juger naïve, comme la Terre apparemment ne bouge pas, et bien pour assurer sa stabilité, il l'a posée sur l'eau. La Terre de Thalès flotte sur l'eau. Thalès a eu un élève, Anaximandre, qui lui est allé beaucoup plus loin. Il a fait un effort d'abstraction considérable, en imaginant, contre tout bon sens, que la Terre était en quelque sorte suspendue dans l'espace, ne reposant sur rien du tout, et simplement se maintenant en équilibre au centre du monde, tout simplement parce qu'elle n'avait aucune raison de partir d'un côté plutôt que de l'autre. Voilà donc la Terre d'Anaximandre. La voix de Jean-Pierre Maury, professeur de physique à Paris 7 juillet 1992 sur notre antenne. On reviendra dans le détail sur la radicale nouveauté de ce concept. Mais d'abord, Carlo Rovelli, cette archive, que laisse-t-elle présager du personnage? C'est un extraordinaire innovateur. D'abord, merci de m'avoir invité à cette émission parce qu'Anaximandre a été pour moi un grand amour, vraiment un grand amour. Une découverte inattendue. Quand j'ai commencé à enseigner l'histoire des sciences à Marseille, je venais d'arriver en France. Et donc j'étudiais pour enseigner, parce que c'est comme ça que ça marche. J'ai étudié les sciences anciennes. Je suis allé en arrière, jusque je suis vraiment tombé sur ce personnage qui m'a laissé sa mot pour l'immensité de sa pensée. Et j'ai jeté sur lui un regard qui est le regard d'un scientifique, tandis qu'en général, c'est quelqu'un qui est étudié par les philosophes, plutôt. Et donc, en tant que scientifique, je vois des choses différentes, bien évidemment, que les philosophes. Et donc, il m'a semblé voir l'immense influence que sa pensée a eue sur tout ce qu'a été le développement suivant de la science. C'est une des racines de certaines façons d'être de la science. C'est ça sa grandeur. On verra comment vous, Carlo Rovelli, vous avez fait un travail de reconstitution de sa pensée. Brigitte Boudon, donc comment vous, en tant qu'enseignante en philosophie, comment vous regardez ce personnage-là? Je suis aussi tout à fait fascinée par le personnage d'Anaximandre de Milet, mais aussi par toute cette lignée de philosophes qu'on appelle les pré-socratiques, de manière un peu générique, tout simplement parce qu'ils sont avant Socrate et qui vont apporter les premiers rudiments de la philosophie grecque, qui sera ensuite développée par Socrate, Platon, Aristote et tous ceux qui vont suivre après. Et encore aujourd'hui, je trouve tout à fait fascinant de voir ces philosophes qui surgissent comme cela dans un laps de temps assez réduit, 2 siècles maximum, dans un lieu géographique relativement réduit, puisque nous sommes là sur la côte ionienne, c'est-à-dire la côte de l'actuelle Turquie, avec Milet, avec Éphèse. Il y aura aussi la petite ville d'Élée dans le sud de l'Italie. Et donc, il y a en peu de temps et dans un espace géographique relativement restreint, une quantité d'esprits absolument extraordinaires qui vont renouveler complètement la connaissance, l'approche de l'univers, l'approche de l'homme. Et bien sûr, Anaximandre fait partie de cela. Mais il y a aussi celui qu'on considère comme son maître, Thalès, qui lui a eu la chance de faire un théorème, donc il est plus connu. Mais Anaximandre va aussi avoir un disciple, Anaximène, et puis Anaxagore qui va poursuivre sa pensée. Et puis, bien sûr, Pythagore, parce qu'on raconte que Pythagore est venu à Milet, interroger, discuter avec Thalès et Anaximandre. Donc, voilà, c'est des personnages absolument fabuleux. On dresse le personnage. Nous sommes donc au 6e siècle avant notre ère. Carlo Rovelli, si on doit planter le décor, quel est le cadre et le contexte historique de cette ville de Milet à cette époque ? La première chose à remarquer, c'est que le 6e siècle avant notre ère, c'est assez lointain de nous, mais ce n'est pas du tout le début de la civilisation. La civilisation, dans le sens des grandes structures humaines, avec littérature, avec art, avec des rois, avec des structures très complexes et riches, existait depuis des millénaires. Le grand royaume d'Égypte, bien sûr, existait depuis siècles, siècles, siècles, et aussi dans la Mésopotamie, il y avait encore une grande civilisation qui existait. Le monde grec avait connu une période de richesse et de, on va dire, de civilisation développée quelques siècles avant, avait passé une période intermédiaire dans laquelle on a beaucoup moins de traces et était un peu aux marges du grand monde développé qui était justement l'Égypte et la Mésopotamie, mais était un monde riche qui était en train de s'enrichir, un monde très connecté. Milet certainement avait des réseaux commerciaux avec ce qui est maintenant la Syrie, avec l'Égypte, avait des colonies mer Noire. Il y avait déjà les colonies grecques dans le sud de l'Italie. C'est le moment où Marseille a été fondée, où tous les deux nous vivons, à Marseille. Et le monde grec était différent, était un monde riche qui était en train de s'enrichir grâce au commerce. Milet était une ville très très vivante avec où les idées pouvaient se croiser et avec il y avait des gens qui pouvaient s'occuper de la pensée. Mais à différence de grandes civilisations anciennes, ce monde grec tout nouveau était pas unifié dans une grande structure unitaire et n'avait pas une structure religieuse forte, commune. Était brisée, par contre, dans beaucoup de villes petites, des cités, les célèbres cités grecques, où il y avait un processus politique assez compliqué, où les rois avaient été chassés dans certaines villes, il y avait une aristocratie, certains, il y avait déjà le peuple qui était en rébellion contre l'aristocratie. Donc il y avait tout un processus politique en cours qui faisait que tout était discuté. C'est ça qui caractérise et qui fait la différence. Peut-être c'est ça la clé pour comprendre cette extraordinaire nouveauté. Donc nous avons entendu de la pensée. D'un coup, les gens sont en train de discuter entre eux de tout, et pas seulement de comment prendre les décisions communes dans une cité, mais aussi de la nature des choses. Remets tout en cause, remets tout en discussion, et c'est l'explosion de la pensée. On est donc, en effet, comme vous disiez, le grand royaume d'Égypte existe depuis plus de 20 siècles, l'écriture est utilisée depuis 3 millénaires, 2 siècles avant la naissance d'Anaximandre, Homère avait déjà composé l'Iliade. On est donc dans cette ville de Milet, c'est une ville très importante à l'époque, 100 000 habitants, c'est beaucoup, et il y a donc ces courants présocratiques qui se sont développés à Milet. Brigitte Boudon, qui sont ces présocratiques? Ce sont des personnages très mystérieux aussi. Ils restent très mystérieux, oui. Et c'est vrai que cette ville de Milet est vraiment une grande cité florissante. Et ce qui la caractérise, comme d'autres villes ioniennes, comme Éphèse aussi, c'est la richesse des relations commerciales, notamment avec l'Égypte, avec la Mésopotamie, avec l'Orient. Et on sait très bien que lorsque les marchandises circulent, les idées circulent aussi. Et ce que je trouve tout à fait passionnant, c'est d'étudier comment ces présocratiques, qui voyageaient beaucoup, ils n'étaient pas les seuls, parce que ces gens voyageaient plus qu'on pouvait l'imaginer aujourd'hui. Puisqu'on raconte que Thalès est allé en Égypte, que Pythagore est allé en Mésopotamie. Et donc, les idées circulent. Et on voit, et ça m'a intéressé d'étudier cela, comment ces présocratiques vont aussi s'inspirer, en quelque sorte, de mythes, de récits, soit égyptiens, soit mésopotamiens, qui racontent l'origine du monde, l'origine de l'univers. Et ils vont évidemment s'en inspirer, même si ils vont apporter une toute autre vision de cette origine du monde, mais ils vont s'en inspirer. Enfin, quand on regarde les textes, il semble clair que les mythes cosmogoniques égyptiens, mésopotamiens les ont inspirés. On va voir que les présocratiques posent des questions que personne ne se posait. Carlo Rovelli, on a très peu de sources d'Anaximandre. On sait qu'il a écrit un livre. Il a écrit un livre, le titre du livre, on le connaît, Perifusus, sur la nature, donc le nom de la discipline de laquelle je m'occupe, la physique, ça vient de là. C'est un titre qui a eu beaucoup de succès. Il y a plein de livres ensuite qui ont eu le même titre, y compris Aristote, et toute ma discipline vient de ce titre. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il avait sur ce livre, on n'a pas le livre, on n'a qu'une phrase. Et ce qu'on connaît de Anaximandre, comme d'autres de cette période, de ces présocratiques, c'est seulement ce qu'il y a sur d'autres textes, plus tard, bien évidemment, dans la assez abondante, riche littérature ancienne que nous avons. Donc les gens anciens parlaient de ces gens. Et donc, il y a des intellectuels de l'ère moderne qui ont cherché de reconstruire lentement la pensée de ces gens. C'est un long processus. C'est un travail que je n'ai pas fait, pas du tout. Moi, je me suis basé sur la reconstruction de ces pensées faites par des autres. Reconstruction à partir de pleines de références à ses penseurs. Mais bien évidemment, c'est différent d'avoir le texte de quelqu'un ou avoir des citations, des fragments, des références. Donc il y a toujours une marge d'incertitude forte quand on parle de ces penseurs-là. Et moi, je pense que le premier penseur duquel nous avons vraiment une riche littérature, ce sont Platon et Aristote, bien évidemment, et on est étonné par la richesse de leurs textes. Et il semble qu'il y a eu un changement incroyable. D'un coup, il y a cette richesse incroyable qui est la pensée de Platon et d'Aristote, mais c'est aussi parce que nous avons leurs textes. Moi, j'imagine que si nous avions le texte de Démocrite, peut-être il pourrait être assez riche que celle d'Aristote. Et si nous avions le livre d'Anaximandre, nous serions surpris par la richesse. Mais on ne les a pas. Donc il faut se baser sur peu. De ce livre d'Anaximandre sur la nature, il nous reste en effet 2 phrases. Toutes choses ont racine l'une dans l'autre et périssent l'une dans l'autre selon la nécessité. Elles se rendent justice l'une à l'autre et se récompensent pour l'injustice conformément à l'ordre du jour. Carlo Rovelli, vous arrivez à interpréter ce texte ? Mais moi, je pense que prendre une seule phrase d'un livre Et y écrire énormément et faire beaucoup de spéculations, c'est toujours risqueux. Il y a beaucoup de philosophes qui ont écrit sur ces phrases. Et donc moi, je dans mon livre, j'ai préféré ne pas donner trop d'importance à cette phrase particulière et chercher de reconstruire tout le reste. Et il y a plein d'idées dans le reste. Et l'idée vraiment prodigieuse, comme l'a appelé Karl Popper, le grand philosophe des sciences autrichiennes, américaines, est l'idée que vous avez mentionnée tout à l'ouverture de cette transmission, cette idée de la Terre qui flotte dans le rien. C'est la première grande révolution scientifique. C'est l'idée qu'on peut changer l'image du monde. C'est ça qui est étonnant. Et bien justement, comment Anaximandre a repensé l'image du monde ? Restez avec nous. Culture, la science CQFD, Natacha Triou. En direct sur France Culture avec Brigitte Boudon et Carlo Rovelli, nous parlons d'Anaximandre. Nous venons de dresser un peu le portrait de ce personnage, un présocratique du 6e siècle avant notre ère. Sa découverte que la Terre est un grand caillou qui flotte dans cet espace vide, on l'a dit, c'est son idée la plus frappante. Mais Brigitte Boudon, avant ça, comment était perçue la Terre avant Anaximandre ? Alors, on peut se référer à Thalès, qui est son maître et son prédécesseur. Et Thalès, lui, présentait la Terre comme une sorte de cylindre, enfin, ou de morceau qui flottait sur l'eau. Puisqu'en fait, Thalès, comme tous les autres présocratiques, et surtout ceux de l'école de Milet, vont chercher l'élément, la racine, la cause, en fait, unique de l'univers. Et pour Thalès, c'est l'eau, et donc tout naturellement, la Terre flotte sur l'eau. Et Anaximandre va apporter une révolution. Puisque il va expliquer que cette Terre, eh bien, elle est comme un cylindre de colonne. Elle n'est pas sphérique, ça viendra plus tard. Elle est comme un cylindre de colonne qui flotte dans l'espace, qui flotte dans ce qu'on va appeler tout à l'heure la Peyron, hein, l'infini. Et donc, elle n'a pas de raison, c'est ça qui est absolument extraordinaire, n'aller ni dans une direction ni dans l'autre. Elle n'est dominée par aucun autre corps. Et donc, elle est en équilibre dans l'espace. Et ça, c'est une révolution, puisque cet espace est partout autour de la Terre, et il va même parler de la rotation du Soleil, de la Lune, des étoiles autour de la Terre, à des distances même qu'il va plus ou moins quantifier, avec des nombres précis. Et donc là, c'est une révolution parce que on a dès Anaximandre un corps qui flotte dans l'espace, qui n'est pas soumis à la gravitation d'aucun autre corps, puisque c'était ça la grande question. Mais comment cette Terre peut-elle flotter ? Pourquoi ne tombe-t-elle pas ? Carlo Rovelli, justement, comment a-t-il pu avoir cette idée-là ? Alors que les méthodes d'observation et d'étude de l'époque n'avaient rien à voir avec celles d'aujourd'hui. Alors, moi, je me suis demandé, en tant que scientifique, je me suis demandé comment il a pu comprendre que la Terre est comme ça. Parce que il faut remarquer de suite aussi, la Terre est comme ça. La Terre est un corps qui flotte dans l'espace, sans tomber, on peut dire. On voit les photos de la Terre prises par la Lune, par les astronautes, et effectivement, la Terre est grosso modo comme il l'avait imaginé. C'est pas vraiment un cylindre, c'est une sphère. Mais ça, ce sont des détails dans un certain sens. Le grand passage, c'est le passage de l'idée de la Terre en bas, le ciel en haut, à cette nouvelle idée, toute nouvelle, que le ciel est tout autour de la Terre. Moi, je me suis demandé comment il a pu faire, et je pense que la réponse est en deux étapes. La première étape est assez simple. C'est-à-dire, on voit le soleil, la lune, les étoiles qui surgissent à l'est et se couchent à l'ouest chaque jour, chaque nuit. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Comment peut le soleil passer de l'autre côté? Est-ce qu'il y a un tunnel dans la Terre? Est-ce qu'il y a toujours un soleil différent? Ou il fait, il va vite au nord et après à l'est pour repartir? Si on y pense un moment, si on regarde le ciel la nuit, c'est assez facile d'imaginer qu'ils font le tour. Ils font le tour autour de nous. Et s'ils font le tour autour de nous, ça veut dire qu'il y a du vide sous nos pieds. Donc, c'est assez normal d'y penser. Alors, la vraie question, ce n'est pas comment avoir cette idée. La vraie question, c'est une autre, parce que sûrement, dans les millénaires précédents, des hommes, des femmes se sont dit, ben, peut-être il y a le ciel tout autour de nous, il n'y a rien au-dessous de nous. Mais bien évidemment, si quelqu'un avait eu cette idée, quelqu'un d'autre aurait dit, ben, non, comment, ce n'est pas possible, parce que la Terre va tomber. S'il n'y a rien qui la tienne, elle va tomber. Alors, le vrai génie d'Anaximandre, c'est d'avoir compris la réponse à cette question, à cette objection, la Terre pourrait tomber. Et la réponse est très simple, elle n'a aucune raison de tomber. Les choses tombent vers la Terre. Ou on peut dire, cherchant de mettre des mots dans sa pensée, bien évidemment, je suis en train de spéculer, les choses tombent vers la Terre parce qu'ils sont dominés par la Terre, mais la Terre n'est dominée par rien. Donc, elle n'a aucune raison de tomber. Et ça, c'est génial. Parce que ça permet rapidement, dans la génération suivante, d'arriver à la Terre, à l'idée de la Terre sphérique et à l'idée immédiatement qui suit que toute chose tombe vers la Terre, n'importe où on tombe vers le centre de la Terre qui est déjà présente. Alors la Terre sphérique, c'est Platon qui fait mention de ça dans le Phédon, et Aristote a une théorie physique très claire avec toutes les choses qui tombent vers la Terre. Donc d'un coup, on change l'idée de ce que ça veut dire tomber. C'est pas quelque chose que toutes les choses vont vers le dans une unique direction qui est le haut et le bas, mais le haut et le bas deviennent relatifs par rapport à la Terre. Donc c'est un changement profond de la grammaire même que nous utilisons. Haut, bas font partie de la grammaire de base que nous utilisons pour penser à la réalité. Et le génie d'Anaximandre, ça a été de rendre tout cela possible. Donc d'ouvrir, pas seulement de comprendre la vraie forme de la Terre, je dirais. Parce qu'ensuite, comme j'ai dit, que la Terre soit une sphère, un cylindre, c'est pas une sphère, la Terre, c'est plus compliqué. Ça, ce sont des détails. Mais le fait que la Terre, c'est un caillou qui flotte dans l'espace dans lequel nous sommes, dans un endroit n'importe quel, ça, c'est une révolution majeure. Et la génialité, c'est que ces révolutions puissent être possibles. Donc, on peut repenser au cosmos de façon nouvelle. Et ce qu'on a fait ensuite avec Aristote, avec Copernic, avec Newton, avec Einstein, c'est de refaire la même chose plusieurs fois. Et donc, ce qu'ils comprennent, c'est qu'ils prennent l'idée de Thalès, ils la changent et ils nous disent, écoutez, on peut changer le monde si on y pense bien, on fait des observations précises et on est assez intelligente. Et il a raison. Sur cette première grande révolution scientifique, vous la mettez en perspective d'ailleurs dans votre livre. Carlo Rovelli, je vous en propose une lecture. La Terre, en réalité, n'est ni un cylindre, ni une sphère. Elle a la forme d'un ellipsoïde, un peu aplati au pôle. À vrai dire, ce n'est pas non plus un ellipsoïde, mais plutôt une espèce de poire. Parce que le pôle sud est un peu plus aplati que le pôle nord. En fait, elle n'a pas tout à fait cette forme non plus. Nous mesurons aujourd'hui de nouvelles irrégularités. Ces raffinements progressifs de notre connaissance de la forme précise de la Terre sont sans doute intéressants, mais en soi, ils n'apportent rien d'essentiel à notre compréhension du monde. Le passage du cylindre d'Anaximandre à la sphère, puis à l'ellipsoïde, à la poire et aujourd'hui à une forme irrégulière, relève du raffinement de la connaissance quantitative de la forme de notre planète. Et non de la révolution conceptuelle. En revanche, comprendre que la Terre est un caillou qui flotte dans l'espace, qu'elle n'est posée sur rien, que sous la Terre, il y a le même ciel que nous voyons au-dessus de nous, ceci est un gigantesque saut conceptuel, et ceci est la contribution d'Anaximandre. Voilà pour l'extrait de la naissance de la pensée scientifique Carlo Rovelli. Anaximandre est aussi un des premiers astronomes à considérer le Soleil comme une masse énorme et par conséquent à réaliser à quel point celui-ci pouvait être éloigné de la Terre. Oui, alors là, on va beaucoup plus dans les certitudes sur ce qu'on, on peut attribuer à Anaximandre. Par contre, si vous me permettez, je voudrais faire encore une petite observation sur sa grande découverte. Celle-ci, c'est le seul homme qui l'a fait dans toutes les civilisations, dans les autres civilisations. C'est-à-dire en Chine, en Inde, en Afrique, dans les Amériques. Personne d'autre n'a fait ce pas. Les autres civilisations ont acquis l'idée de la Terre, de cette forme de la Terre, seulement quand ils sont venus en contact avec la civilisation méditerranéenne. Et ils ont pensé, on dit oui, ça c'est raisonnable, on accepte cette idée. Et ils l'ont acquis. C'est ça l'unicité. Distance des planètes, de la Lune, du Soleil, des étoiles, sur la dimension du Soleil, je serais beaucoup plus incertaine. Surtout parce que la version que je trouve plus croyable, c'est que son idée de ce corps céleste, c'était pas vraiment de corps céleste, mais c'était des sortes de rues tout autour de la Terre, pleines de quelque chose de lumineux, de feu, avec des trous. Et ce qu'on voit, c'est les trous dans ces rues autour de nous. Alors les rues, je me suis demandé pourquoi, peut-être pour ne pas les faire tomber. Donc, il ne faut pas penser que sa cosmologie soit si riche. Comme je dis, c'est très archaïque, c'est simple, c'est plein d'idées qui ne sont pas correctes. Mais ce sont des modèles mécaniques de la possible forme du monde, et peut-être ça, c'est la deuxième grande nouveauté de lui, aussi de Thalès et des autres de pensée, c'est-à-dire que ces explications du monde, et du reste aussi de l'histoire du monde, ce sont des explications qui sont naturalistes, qui font référence aux choses de la nature, et pas comme ce que justement, comme on vient d'entendre, les avaient inspirés les autres grands récits qui sont certainement à l'origine de cette quête, les grands récits de l'histoire du monde qui avaient été jusque-là, et ça c'est la grande rupture, des grands récits des divinités, des dieux, de leur histoire, de ce que les dieux veulent et font, utilisés pour expliquer ce qu'on voit. La grande rupture est que maintenant on explique tout ça sans les dieux. Oui, c'est l'une des révolutions dans la pensée d'Anaximandre, Brigitte Bourdon, c'est que ces explications sont complètement nouvelles par rapport à ce qu'on lit avant. Elles sont naturalistes, c'est-à-dire que ce ne sont pas les dieux qui expliquent les choses, les réponses doivent être cherchées dans la nature. Oui, c'est le double aspect intéressant avec ces présocratiques, avec Anaximandre en particulier, c'est qu'il y a une certaine continuité quand même avec ces grands récits et ces grands mythes qui les ont précédés, mais il y a une rupture. Incontestablement, ils apportent une rupture, et cette rupture, il me semble qu'elle peut être aussi résumée par le fait que pour eux, le monde est intelligible. Le monde est intelligible, il peut être compris par l'intelligence humaine, par une certaine raison. Sont les présocratiques qui vont apporter la fameuse notion de logos. Ce n'est pas Anaximandre, mais c'est plutôt Héraclite qui va dire que le logos est ce qui régit l'univers. Et donc, de ce fait, à partir du moment où on considère que le monde est intelligible et qu'il peut être compris par l'homme et par son raisonnement, par ses observations, par ses expériences, un certain nombre de phénomènes naturels aussi vont être étudiés et analysés d'une autre manière. Anaximandre va expliquer d'où vient la foudre, d'où vient le tonnerre, d'où vient la pluie, les tremblements de terre, et de manière extrêmement pertinente. Et les explications vont bien sûr s'affiner au fil des décennies. Elles vont s'améliorer grâce au questionnement des philosophes, mais C'est ça que ces présocratiques apportent à la philosophie. C'est pour ça qu'on peut aussi les appeler les premiers philosophes, en plus d'être les premiers scientifiques, parce que ils se questionnent et ils ont une grande confiance dans la raison humaine, dans ce logos, cette capacité de se poser des questions et de comprendre ce qui nous entoure, ce qui nous pénètre, et cette relation aussi entre le macrocosme, c'est-à-dire l'univers, le grand univers, l'univers entier, et le microcosme, c'est-à-dire l'être humain. L'être humain a sa place dans l'univers, et ça, c'est ce qui fera la grande spécificité de la philosophie grecque classique, qui est ce lien entre le micro et le macrocosme. Comme vous dites, Brigitte Bourdon, Anaximandre comprend un grand nombre de phénomènes, et Carlo Rovelli, Anaximandre comprend le cycle de l'eau. Oui, absolument. D'abord, je suis complètement d'accord avec cette vision que Brigitte a, je la partage entièrement, et je suis d'accord aussi que son attention aux phénomènes météorologiques, la foudre, le tonnerre, c'est étonnante, je dirais. On la voit encore plus clairement dans l'ère moderne que dans le passé, dans les références anciennes. Dans les références anciennes, souvent Anaximandre pensait que le vent est causé par la chaleur du soleil. Et voilà, aujourd'hui, dans le naturalisme des sciences modernes, on comprend que c'était le bon point de vue. Et souvent, ces explications sont pas seulement dans la bonne direction, mais même correct. Il y en a des faux, complètement. L'explication des tremblements de terre, c'est pas correct. Mais il y en a des étonnements corrects. Et la plus belle, et c'est quelque chose que nous connaissons tous, parce qu'on l'apprend à l'école, bon, en Italie, on l'apprend à l'école, je pense aussi en France, qui est le cycle de l'eau. La question, d'où vient l'eau de la pluie? Très, très bonne question, d'accord. Non, et alors, est-ce que c'est un dieu qui l'envoie? Est-ce qu'il y a des grands réservoirs d'eau dans le ciel, comme la Bible raconte? Est-ce qu'il y a de l'eau qui est créée du rien dans le ciel? Ben non. L'eau de la pluie vient de l'eau qui est sur la terre, dans la mer, les lacs, les rivières, qui évapore. Donc l'eau évapore. Va dans l'air, dans le ciel, et après, quand il y a des vents, le froid, le chaud, elle redevient eau et tombe sous forme de pluie. Donc c'est toujours la même eau qui tourne, qui évapore, devient pluie et descend. Ça ressemble un peu à l'explication d'où va le soleil. Non, c'est le même soleil qui tourne autour de nuit, c'est la même eau qui, si je mets un verre d'eau sur la table, va disparaître. Où est-elle allée? Ben, elle est évaporée. Eh bien, elle revient sous forme de pluie. Donc, c'est la raison qui est capable de mettre les points qui manquent dans une histoire et de trouver des explications très correctes, très raisonnables et très belles. Et c'est aussi la compréhensibilité du monde qui apparaissent. On n'a plus besoin d'imaginer que la pluie vient de quelque chose de magique ou d'une divinité, mais c'est quelque chose qui est parti du monde. Donc c'est, je pense, la puissance de la pensée, du raisonnement, comme disait Brigitte, mais aussi la beauté, la magie de du monde que peut être compris. La puissance de sa pensée. On continue de faire le tour du monde tel que le concevait Anaximandre dans quelques instants. But I'll find it somewhere, somehow. I've gotta let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby. Lying, wasted too much time. All Around the World de Lisa Stanfield, car nous parlons de la vision du monde d'Anaximandre, ce savant présocratique. Nous en parlons avec nos deux invités du jour, tous deux grands admirateurs de ce penseur. Brigitte Boudon, enseignante en philosophie, cofondatrice des éditions Ancrage et des Jeudis Philo à Marseille, et Carlo Rovelli, physicien professeur à l'université d'Aix-Marseille. Nous venons de voir comment ces théories marquent un tournant dans l'histoire de la pensée scientifique, en écartant toute forme de récit mythologique au profit d'un raisonnement naturaliste. Nous avons vu comment il donne une interprétation naturelle à la pluie par le phénomène d'évaporation. Nous ne l'avons pas dit, mais il est aussi, c'est aussi l'un des auteurs d'une des premières cartes du monde qui a été réalisée par Anaximandre de Milet. Alors cette carte n'a pas été retrouvée, mais on sait qu'elle existe. Aristote la mentionne au 4e siècle avant notre ère. Et un autre point, Carlo Rovelli, quelque chose qui m'a interpellé dans son travail, c'est qu'il s'attaque aussi à la question de l'origine de la vie. Et il a été très précurseur. Oui, alors là, il y a aussi une continuité avec les grands récits précédents, soit babyloniennes, soit grecques, parce que Hésiode... c'est-à-dire l'histoire du monde, comment le monde est né, comment a commencé et comment les choses sont venues à exister. Donc il y a une origine de la vie dans la Bible, par exemple, et dans des récits aussi plus anciennes que ça, etc. Et il y a dans le livre d'Anaximandre, on sait qu'il y a une histoire du monde où il y a une cosmogonie, comment le monde est né, encore une fois sans divinité, donc naturaliste, et un récit de comment la vie a pu naître, qui est très intéressant du point de vue moderne, d'abord parce que, encore une fois, c'est toute la nature en soi, sans intervention divine, et aussi parce que il y a une idée que la vie se développe, change. Donc, il y a une idée, tout début d'idée d'évolution. La vie change. L'idée assez remarquable et correcte que la vie est née dans la mer, dans l'eau, et seulement ensuite est arrivée sur la terre, quand la terre est devenue sèche. Et aussi une idée qui existait dans son livre, que l'homme ne peut pas être né, l'humanité ne peut pas être née toute seule comme ça, parce que les enfants tout petits ne sont pas capables de vivre. Et donc, il doit y avoir eu une évolution de partir de quelque chose d'autre. Et donc, encore là, il y a l'idée de l'évolution de l'être humain comme descendant d'autres formes de vie. Ce sera toujours dans le monde présocratique, un Pédocle, quelle génération ou deux plus tard, a développé encore cette idée et suggéré que, au hasard, les choses se mettent ensemble et forment le vivant, qui est une idée que Darwin mentionne explicitement dans son livre comme originée d'un Pédocle, donc dans la pensée présocratique. Donc vous voyez là encore quelque chose qui nous semble très étonnante, ces idées qu'en général on met ensemble dans la modernité, qui ont des racines là. C'est pas que ces gens-là étaient super intelligents, incroyablement créatifs, mais ils avaient trouvé une clé pour avancer, qui a été une des clés qui après a énormément été utilisée dans la modernité, qui est justement l'idée de pouvoir repenser le monde, changer la vision du monde, ne pas prendre la vision du monde usuel, ou même le monde usuel, comme définitif. La biologie, le peu que nous savons de ce qu'il y a dans la biologie, a cet aspect étonnant. Donc, évolution, l'homme qui dérive de quelque chose d'autre, l'origine de la vie dans la mer. Voilà, ça, c'est l'aspect biologie de ce qu'on sait dans ce livre. Voilà, il est donc précurseur de la non-fixité des espèces. Brigitte Boudon, Anaximandre pose la question de l'origine de l'univers, et les présocratiques aussi, mais pour Anaximandre, l'origine métaphysique du monde, ce n'est pas l'air, comme pour Anaximène, ni le feu, comme chez Héraclite, mais l'apeyron. Comment on peut traduire ce concept ? Alors, ça a fait couler beaucoup d'encre, cette notion d'apeyron. Il y a deux grandes traductions que l'on peut donner de ce mot grec. Si on considère que peras, c'est le mot grec qui signifie la limite, apeyron, c'est, avec le a privatif, c'est ce qui est sans limite. ce qui est illimité, ou en tout cas dont les limites ne sont pas perceptibles par l'humain. Donc ça, c'est en général ce que l'on trouve de manière de plus classique à Peyron, l'infini, l'illimité, le sans limite. Et il y a une autre traduction qui est un petit peu différente, qui est l'indéfini, l'indistinct, l'indéterminé. C'est-à-dire ce qui est encore non différencié, un petit peu comme la notion de chaos chez beaucoup de Grecs, cette substance indifférenciée qui n'est pas encore vraiment polarisée en chaud, froid, humide, sec. Et donc, c'est ça. Pour Anaximandre, l'arché, c'est-à-dire le principe premier, hein, arché, c'est-à-dire la racine, mais aussi la cause essentielle de l'univers, ce qui va donner le mot archéologie, on recherche les choses premières. Et donc, cet apeiron, c'est une intuition, une captation, je ne sais pas comment l'appeler, absolument fantastique, parce que au contraire des autres présocratiques, où il peut y avoir une question qui se pose sur l'eau, l'air, le feu, parce que ça fait référence aux éléments qui nous sont familiers, hein, l'eau, l'air, le feu, bon, qui nous environnent. Là, avec Anaximandre et avec l'apeiron, il n'y a pas de contresens, je dirais, possible. Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est matériel? Est-ce que c'est métaphysique? Là, manifestement, avec l'apeiron, on est avec une notion métaphysique, c'est-à-dire qui est au-delà du physique et qui explique comment l'univers est né. Carlo Rovi, justement, et assez rapidement, cette question de l'origine des choses, c'est d'ailleurs la question sur laquelle la physique travaille encore avec la constitution des atomes et toute la question de la matière noire. On se demande quels sont les constituants élémentaires de la matière. Oui, on peut aussi interpréter de façon différente, pas l'apeiron de Anaximandre que, comme justement disait Brigitte, a fait couler beaucoup d'eau, beaucoup d'encre, comprendre qu'est-ce que c'est, et on ne sait pas qu'est-ce que c'était exactement pour lui. Aristote dit c'était l'arché, c'est le principe duquel tout devient. Mais principe, on peut l'interpréter de façon différente, et dans l'histoire, une interprétation de cette quête est devenue, à travers l'atomisme ancien, Démocrite, les atomes, tout est fait de vide et d'atomes. C'est une idée qui certainement a des racines dans le pensée de Anaximandre et les autres de Milet. Et de là, l'idée moderne d'atomisme, la recherche de constituants élémentaires de la matière. Ce que je trouve extraordinaire dans cette démarche, une chose que je trouve extraordinaire et qui m'a énormément frappé, c'est que déjà son maître Thalès, ou son grand frère, je dirais, son copain plus ancien que lui, qui était Thalès, avait suggéré que tout pouvait être fait d'eau. Et donc avait suggéré qu'il pouvait y avoir une quelque chose unique duquel tout le reste devienne. Donc Anaximandre, encore une fois, prend une idée de Thalès et la change en la transformant en quelque chose d'un peu mieux. Et là, pour moi, il y a peut-être la plus grande rupture dans Anaximandre. C'est-à-dire, il est capable de construire sur la pensée de Thalès sans accepter tout de Thalès, mais changeant quelque chose. Et ça, cette idée de pouvoir construire sur son maître, mais en même temps ajouter quelque chose, critiquer le maître, c'est la clé qui déclenche toute l'explosion de pensée suivante. Donc, on peut faire quelque chose d'autre que accepter la pensée de maître ou bien repartir à zéro. Alors nous n'avons pas de texte direct d'Anaximandre, mais toutefois, il nous est resté des fragments, des commentaires postérieurs à lui qui nous éclairent tout de même sur les fondements de sa philosophie. Pour le reportage du jour, vous êtes allé au centre Léon Robin de Sorbonne Université, vous penchez sur un de ces fragments de texte qui aborde les notions des durées de temps. Céline Lozen, bonjour. Bonjour Natacha, oui, il s'agit du fragment DK12B1 où l'on découvre la cosmologie d'Anaximandre, un système à trois niveaux, stable et éternel, selon une temporalité linéaire, sans origine et sans fin. J'ai retrouvé Luan Lemos qui vient d'achever sa thèse sur sa conception des durées et du temps, qui a dû réaliser un effort sur le plan scientifique, philosophique et mythologique pour filtrer les idées réelles du savant de la doxographie postérieure. Anaximandre démêlé, parce que son livre est perdu, et on a la doxographie sur sa pensée, il faut avouer beaucoup d'érudition, mais aussi un peu de fantaisie, d'imaginer, de se figurer comment on pourrait construire ses écrits à partir de ces fragments, de ces doxographies. Ici, on a des facsimilés de ces fragments d'Anaximandre dans cette grande bibliothèque. On devrait avoir ici l'édition de Charles Marcel Conche, elle devrait être quelque part par ici. Une édition sur tous les fragments d'Anaximandre démêlé, Anaximandre et Anaximène. Mm-hmm. C'est une édition allemande avec les textes français, le texte grec, latin et arabe et les traductions en allemand. C'est le fragment des DK-B1. Le milésien Anaximandre, fils de Praxiade, successeur et apprenti de Thalès, a déclaré que l'infini est à la fois l'origine et l'élément des êtres, ayant été le premier introduit en termes d'origine. Il dit que cette origine et cet arché n'est ni l'eau ni aucun autre des soi-disant éléments, mais une certaine nature différente, infinie, à partir de laquelle se produisent toutes les enveloppes célestes et ses arrangements cosmiques en eau. Et ici commence le célèbre fragment, à partir desquels ensuite la génération a lieu pour les êtres et se produirait inévitablement la destruction de ceux-ci. Car, les uns contre les autres, ils se donneraient satisfaction et essaieraient des représailles de leur abus suivant la succession de temps, en disant ainsi à propos d'eux en termes assez poétiques. Donc, il y a un commentaire sur la manière poétique avec laquelle Anaximandre parle de la nature. Et c'est comme ça qu'on identifie le fragment. C'est vrai que c'est très imagé, c'est presque allégorique, et pourtant c'est vraiment signifiant. Il y a beaucoup de richesse dans cet extrait que vous venez de lire. Il parle avec les mots de poète. Donc il parle de justice et des représailles. Et il décrit la nature comme on décrirait des humains. Comme s'y décrirait la société des hommes, comme décrirait la guerre. Il pensait tout ce vocabulaire des poètes pour décrire la guerre, il est projeté dans le cosmos. Donc il extrapole ce qu'il observe dans les comportements humains aux astres et aux phénomènes de la nature. Il n'y a pas une distinction de vocabulaire entre la nature et la société des hommes. C'est le même vocabulaire pour parler de la nature et pour parler des hommes et des femmes et de la société humaine en général. Vous savez, Anaximandre est dans un moment très important de l'histoire de la philosophie ancienne. Disons que Anaximandre s'intéresse pour une question très importante, un mystère que je appellerais le mystère de l'horizon. Il s'est demandé où vont les astres après qu'ils disparaissent dans l'horizon. Les poètes grecs décrivaient le ciel comme étant un dôme métallique solide et la terre encerclée par le fleuve et l'océan. Et la terre avait des racines dans le Tartare. Donc il y a une géographie horizontale du monde qu'Anaximandre aperçoit, il change complètement la représentation du monde. Donc, l'une des raisons pour lesquelles je m'intéresse à Anaximandre, c'est ces changements des représentations spatiales du monde. Donc, il commet un acte de modernité, quelque part, de voir le monde non plus à travers des structures métalliques, mais vraiment avec une spatialisation, même on parle d'une profondeur dans la voûte céleste. Oui, exactement. Il y a trois idées qu'Anaximandre a avancées. La première idée est que la Terre n'a pas de racines, donc qu'elle flotte au centre de l'univers en raison d'une symétrie. Donc il y a une symétrie dans le cosmos qui fait que la Terre ne tombe pas. Et ça, c'est la première idée révolutionnaire d'Anaximandre. La deuxième idée révolutionnaire d'Anaximandre est que les astres continuent leur chemin sous la Terre. Il y a toute une trajectoire circulaire au-dessus. Mais Anaximandre est allé plus loin. Il y a une troisième idée révolutionnaire qui est l'idée de profondeur. Et comme ça, il commence à projeter de manière géométrique le cosmos, le monde. Et donc, comme la Terre est un cylindre, qu'il a une hauteur entière de son diamètre, il a utilisé la Terre comme unité de mesure pour se figurer la distance des astres. Donc, par exemple, les étoiles sont 9 fois éloignées le diamètre de la Terre. La Lune est 18 fois éloignée de la Terre par rapport au diamètre de la Terre. Et le Soleil est 27 fois éloigné par rapport au diamètre de la Terre. Comment il en arrive à calculer ces distances ? On ne sait pas. C'est le mystère. C'est un mystère. Il y a des hypothèses, par exemple, qu'il était influencé par les proportions géométriques des colonnes grecques, des temples grecs. Ah, il y avait une esthétique qui guidait ces mesures. Il y a un chercheur qui fait cette hypothèse, qu'Anaximandre a projeté l'architecture des temples grecs, les proportions des temples grecs dans le cosmos. Donc il y avait oui, une harmonie dans cette cosmologie qui était inspirée directement des édifices et des architectures divines. Bah, alors qu'on dit qu'Anaximandre prend de la distance avec la mythologie pour avoir une pensée plus rationnelle, mais finalement il y a quand même une influence. En effet, Anaximandre écarte l'explication des dieux dans son modèle. Mais quand même, il y a une place pour le divin. Parce que les astres, pour Anaximandre, étaient des dieux. Donc, attaché à cette géométrisation de l'espace, il y a une perception de la durée des choses. Donc, les astres sont immortels. Et puis, il y a les choses sur la Terre qui naissent et qui se détruisent. Donc, mais au-dessus de tout ça, il y a l'apéron, la substance infinie. L'apéron, donc c'est... L'apéron, la substance infinie qui entoure tout le cosmos. Cette substance, elle est éternelle, elle existait depuis toujours. Et c'est elle qui est responsable par le mouvement des astres. Merci Céline Lozen pour ce reportage. Avant de retrouver Alexandra Delbo qui va nous parler d'un tout autre sujet dans sa chronique avec Science, je souhaite poursuivre cette émission avec une lecture, des extraits de textes de Brigitte Boudon, La puissance des philosophes antiques aux éditions Ancrage. Les philosophes antiques offrent une pensée toujours neuve et leur route croise sans cesse la nôtre. Tout est en germe dans les commencements, dans la puissance des origines. Penser, c'est s'éveiller. Et s'éveiller, c'est être toujours neuf. Les philosophes antiques sont les plus vieux de nos sages occidentaux, parce qu'ils sont les plus jeunes, et ils sont les plus jeunes parce qu'ils sont les premiers à avoir voulu vivre éveillés. La pérennité des philosophes antiques, qu'ils s'appellent présocratiques, platoniciens, aristotéliciens, épicuriens, stoïciens ou néoplaténiciens, s'exprime tant par leur puissance de réflexion que par la capacité dont ils ont fait preuve de vivre conformément à leurs idées. Ils ont apporté non seulement les concepts fondamentaux de la philosophie occidentale, mais aussi une grande légitimité concernant le vécu philosophique. Tous les domaines philosophiques se sont constitués à cette époque. La métaphysique, la physique, l'éthique, la logique, la théorie de la connaissance, la philosophie du langage, la philosophie de l'esprit, l'anthropologie et la cosmologie, la philosophie politique, l'esthétique ou la philosophie des sciences. La philosophie antique a élaboré une grande variété d'approches, de théories et de stratégies d'argumentation qui constituent encore de nos jours des points de référence indispensables à la réflexion philosophique. Il n'y a pas de philosophie sans recherche de sens, ni recherche de sens sans métaphysique. D'où vient le monde ? D'où vient l'homme ? Dites-moi quelle origine vous concevez, et je saurai où votre conscience tente de se diriger et votre âme de venir, nous aurait soufflé Anaximandre. Toutes les pensées chaleureuses de l'équipe vont à Philippe Guiton et à ses proches. Merci à vous. Il est temps de retrouver Alexandra Delbo et sa chronique avec Science. Comment les masques chirurgicaux se dégradent-ils dans l'environnement ? Cette question se pose depuis leur arrivée brutale et massive dans nos vies. Depuis la pandémie, la production mondiale a littéralement explosé. Entre 2019 et 2020, elle a été multipliée par 30. Une étude de 2021 estime qu'il y a tout juste 3 ans, près de 3,4 milliards de masques et protections individuelles à usage unique étaient jetés chaque jour. Ils se retrouvent à présent partout, sur les plages, les rivières, les égouts de chaque continent. Certaines photos témoignent de l'adaptation de la faune face à ce nouveau déchet. Des oiseaux ont été observés fabriquant leur nid à partir de masques, quand d'autres s'étouffaient carrément avec. Ça, c'est un premier problème à court terme. Le second, à plus longue échéance, porte sur leur composition. Les masques contiennent beaucoup de plastique. Isabelle Bianic est ingénieure de recherche CNRS au laboratoire interdisciplinaire des environnements continentaux de l'Université de Lorraine. La plupart des masques chirurgicaux qu'on va retrouver sont composés pour 90% d'entre eux de plastique et uniquement de plastique. Et un plastique est le polypropylène. En fait, c'est un des deux plastiques les plus utilisés. Et les masques qu'on a tous manipulés ou mis, enfin utilisés pour se protéger sont composés de trois couches. En fait, c'est des matériaux non tissés. Ce sont des fibres en fait qui constituent chacune de ces couches. Alors les deux fibres externes sont constituées de fibres qui font à peu près 20 microns de diamètre. Alors, pour se représenter, 20 microns de diamètre, c'est à peu près le diamètre d'un cheveu. Donc on a deux couches comme ça externes avec un réseau de plusieurs kilomètres de fibres de 20 microns de diamètre. Et puis la couche du milieu, elle est composée, qui est la couche technique, qui est la couche filtrante, elle est composée de fibres qui sont beaucoup plus petites, qui font entre 1 et 5 microns de diamètre. Et là, dans une couche d'un masque, ça fait plusieurs centaines de kilomètres de longueur si on mettait bout à bout toutes les fibres qui constituent cette couche du milieu. Ces 90% de polypropylène sont théoriquement recyclables, mais ce n'était évidemment pas une priorité au moment de l'émergence du SARS-CoV-2. Et avant cette pandémie, on ne savait rien de la dégradation de ces masques. Aucune étude ne s'était penchée sur la question. Les seules connaissances dont nous disposions étaient générales et théoriques sur les polypropylènes ou les polyéthylènes, l'autre grande catégorie de plastique que l'on utilise quotidiennement. Alors, après le confinement, cette équipe de recherche, comme beaucoup d'autres, a démarré un nouveau projet en rapport avec la pandémie. En l'occurrence, étudier la désintégration des masques chirurgicaux. D'abord en laboratoire sous UV pour mimer les effets des rayons du soleil, puis en conditions naturelles, en immergeant les masques dans une rivière, la Moselle, qui passe à côté de leur laboratoire. L'objectif est de pouvoir étudier la photodégradation du masque, mais aussi sa capacité à être colonisé par des micro-organismes dans l'eau. Résultat, les masques, en se dégradant par la lumière, libèrent des nanoparticules et changent progressivement de propriété. Isabelle Bianic est la première autrice de cette étude parue dans le Journal of Hazardous Materials. On s'est très vite rendu compte qu'on dégradait énormément les masques en microfragments. A posteriori, ce n'est pas surprenant parce que vu la taille des fibres, que ça fragmente très vite, ce n'est pas forcément un résultat très surprenant en soi. L'autre information, c'est qu'avant qu'on puisse, avec nos outils, arriver à mesurer des grandeurs qui permettent de quantifier cette photodégradation, on a pu observer ces changements dans la façon dont les échantillons se comportaient, avec notamment une modification de la balance hydrophobe-hydrophile. Donc on est parti d'un matériau qui n'émet pas du tout l'eau, et puis au fur et à mesure qu'on a photodégradé, il y a des zones en fait en surface qui sans doute ont eu plus d'affinité pour les molécules d'eau. Et ça, pour nous, ça a eu un impact aussi sur après la nature des espèces qui ont colonisé les masques quand on a mis en exposition en rivière pour voir la formation des biofilms. Et puis on s'est rendu compte qu'en fonction des durées de photodégradation, le rapport micro-algues-bactéries a changé. L'étude ne permet pas d'estimer la quantité de particules libérées. En revanche, elle montre qu'avec la photodégradation, l'attrait du masque pour l'eau augmente, ses capacités changent et cette photodégradation est transposable à ce qu'il se passe en milieu naturel, par exposition au soleil. Ce qui implique que le masque n'est pas un déchet comme les autres. Il doit être d'autant plus surveillé, trié et séparé du reste des déchets parce que ces changements de propriété pourraient lui conférer la capacité de ramasser d'autres polluants sur son passage. Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Garance Prima Agnolo, Céline Lozen, Mariam Ibrahim à la réalisation, Hélène Trigueros à la technique aujourd'hui, Alex Dang. Vous pouvez nous écouter partout, à toute heure, en podcast sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.